We'll be right back. que ce soit l'espace et le temps, là aussi. Parfois les continents nous séparent difficilement. We know. We need.